qui veut traverser, de Marc-Emmanuel Soriano. Épisode 4. Non. Sur un embarcadère de fortune, il y en a un qui se hisse, puis regarde les autres grimper à bord, à la lueur d'une torche que tient un grand au visage tatoué. « Combien ?» lui crie le capitaine. « 136, ce sont les derniers. » Le portier hoche la tête en faisant passer le suivant. « 137. » Il y en a 139 sur la liste. Et celui qui vient de monter n'arrive plus à avancer. Il est 138e. Il se voit mort. Le dernier lui passe devant. Il ne peut pas. C'est comme un jour de foire, mais sans l'animation. On tasse les volailles dans une caisse, on pousse les moutons dans la bétaillère. Ce bateau ne ressemble à rien d'imaginable. Crasseux, délabré, rapiécé. Il doit se décider, il a donné l'argent il y a quelques jours déjà. « Je ne veux pas monter, dit-il. « Fais comme tu veux, dit le grand. » Il hésite, il se sent lâche. Il pourra peut-être profiter d'un départ sur un bateau plus sûr. « Ils sont tous comme ça, dit la tête tatouée. La classe à faire, c'est plus cher. » Mais lui n'arrive pas à voir autre chose que des morts dans le clair-obscur de la torche. Il a tout accepté jusqu'ici, mais il tremble à présent. Il ne connaît pas la mer, c'est même la première fois qu'il monte sur un bateau, mais il sait que ça ne passera pas. « Ça ne passera pas, dit-il assez fort. Personne ne l'écoute. » Il descend la petite échelle, retrouve le sable. Il fait de grands gestes avec les bras, comme s'il voulait faire descendre tout le monde. On le prend pour un abruti, un fou. Non, il remonte. Il ne peut pas faire ça. Les tremblements ne l'ont pas quitté. Il redescend. Tant pis pour son honneur. Mourir en héros ne nourrira pas sa famille. Les moteurs s'emballent et tandis que l'espèce d'épave s'éloigne, il est rejoint sur le rivage par le grand tatoué. Il y en a un, donc, soulagé et honteux à la fois, allongé au bord de l'eau, le visage face au ciel, le corps toujours pris de spasmes, avec un autre, debout, admirant son œuvre, pour ainsi dire, clignant des yeux pour mieux voir l'appareillage de la vieille barque, négligeant d'intégrer dans le tableau la silhouette couchée du tromblefête. Donc il y en a un qui se relève maintenant, toujours fébrile, avec un autre qui va lui expliquer qu'on ne lui doit plus rien, que c'est lui qui a pris la décision de rompre le contrat. Mais celui qui se relève se jette dans les bras du passeur. Il le serre, sans doute pour sentir quelqu'un de bien vivant, sans doute pour se dire qu'il fait bien, qu'il n'est pas un lâche, qu'il n'aurait pas survécu sur cette coquille de noix transportant une armée. Donc, il y en a un qui vacille à son tour, tant ce geste le trouble et fait de lui un criminel, un irresponsable, tant cette joie inattendue inverse les termes, le transforme en sauveur pour un seul et en bourreau pour tous les autres. Lui qui s'attendait à une altercation dans les règles se retrouve comme remercié d'un bienfait qu'il n'a pas voulu commettre. Il fait semblant de ne pas comprendre, atteint au fond de lui par la sincérité de cet homme. En cet instant, il aurait voulu lui rendre ses 2000 $, l'expédier d'un coup sur ses hauts plateaux, lui et sa joie, car il allait revenir. Il allait rejoindre la horde des parasites, des crèves-la-faim qui errent près des marchés, près des poubelles. À une mort héroïque sur la barque, il avait finalement préféré une lente déchéance loin de chez lui, seul et sans ressources. Stranded. Non, ressortant de l'eau, visage aspiré par la lumière, tel qu'on imagine les âmes regagnant les cieux, il y en a un qui reprend son souffle en s'ébrouant, tenant à bout de bras son précieux paquetage, un sac en plastique d'où dépasse une bouteille. Un qui pédale gauchement dans l'eau jusqu'à ce qu'il ait enfin pied, qui revient lentement vers la plage, tente de conserver autant qu'il peut l'insouciance en lui, s'assoit, attrape la bouteille payée 100 $ sur la piste. Ça y est, l'insouciance s'est évaporée. Le goût métallique de l'eau du désert lui remémore cette phrase. « Aucun de mes clients n'est jamais mort. » Cette phrase entendue dans le hall d'un hôtel crasseux, sortie de la bouche d'une dame au ventre épais, comprimée dans un tailleur vert pomme. « Je pense à tout. Je traite avec les militaires, tu parles. » Cette phrase servait juste à vendre un périple sécurisé, soi-disant, mais beaucoup plus cher, qui ne lui avait pas épargné les exactions de routine des militaires. Ils vous arrêtent, vous font descendre, vous alignent, vous tranchent les semelles, vous demandent un cadeau. Si vous n'avez rien, ils vous tabassent. Si vous avez un peu, ils vous prennent tout. Il avait dû son salut au dialecte de sa mère. Le géographe avale le reste d'eau à 100 $, il se rhabille. L'homme au Sprite l'a rejoint, lui tend encore une canette. « Encore dans vos pensées, dit-il. Je me suis baigné, ça fait du bien. La poussière des pistes, elle s'incruste, regardez. » Il montre ses avant-bras. « Combien de kilomètres ?»« 3000. »« Vous êtes tous arrivés ?»« Presque. »« Vous êtes arrivés quand ?»« J'en sais rien. » »« On a fini coincé dans des minibus, à attendre un départ jusqu'à l'asphyxie. » »« J'ai compris qu'il y avait un gros souci, qu'on n'irait pas très loin. » Au chef, j'ai dit « Ouvre !» Quand il a vu ça, il a compris que je pouvais tout foutre en l'air. Il a ouvert. Tu sais ce que tu fais? Ouvre, j'ai dit. Tu vas où? Ouvre, t'es fou, t'as plus d'argent. Il m'a ouvert et je suis parti. C'était ce qu'il fallait faire. Oui, mais maintenant, je dois refaire mes forces. Et puis, je n'ai plus un copec, dit le géographe. T'as qu'une solution. Tu rentres dans le circuit, on te donne 500 par départ, t'apprends. Quand t'es prêt, t'en montes un. Le canot de base coûte 20 000. 50 dedans à 500 par tête, ça fait 25. 3 ou 4 barques par mois, tu ramasses 15 à 20 000. Mais tu dois trouver ta pirogue. Il y a des courtiers pour ça. Une averse bénit ses paroles. Il court jusqu'à la buvette. Si j'ai un conseil à te donner, n'embarque pas sur un bateau de pêche. Le journaliste ouvre encore une canette. Tiens, il va y avoir un départ sur un Zodiac 9 de la fibre de verre avec un moteur de 150. Peu de monde dessus, maxi 10 ou 20. Combien ils veulent? 1500, je les ai pas. Ils partent quand? Dès qu'ils reçoivent le canot, puis en fonction du temps et des flics. C'est moi qui ai monté l'affaire, dit le journaliste. Là, on plaisante plus. Je dirigerai le canot, cette fois, ce sera la bonne. Réfléchis bien. Je vois qu'une solution, tu m'avances l'argent. Un qui veut traverser, de Marc-Emmanuel Soriano. Lu par Jacques Bonafé. Prise de son et mixage, Pierre Mine. Réalisation, Véronique Lamondoubre.